Bonjour à tous. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous voir pour ce nouveau numéro de la Disney's Music Box. Et Je vais ce soir, enlever le nous bouchon. allons nous intéresser. On y va directement, on est lancé. Nous allons nous On est intéresser chaud. à Blanche-Neige et les Sept Nains. Le premier dessin animé, long métrage d'animation Disney, quitte voire même le premier long métrage d'animation tout court, Exactement. qui a été réalisé par David End sur une musique de Lagerlin et Paul J. Smith, et les chansons sont de Frank Churchill sur des paroles de Larry Morey. Ou Morey, enfin voilà. Les noms anglais, c'est encore moi. Oui, bah, c'est bien, ce sera toujours comme ça, c'est bien. Il faut que les gens soient habitués à quelque chose quand même. Les accents, c'est important. Et Paul J. Smith n'est pas à confondre avec Paul J. Smith aussi, qui est animateur chez Disney. En fait, chez Disney, ils ont eu en même temps deux Paul J. Smith. Ok. C'est un concept. Bah écoute, il n'y a pas Canal qui s'appelle Martin. Hein. Bienvenue dans ce live avec des vieilles Oh, c'est références. beau. C'est beau ça. Donc, le dessin animé est sorti le 21 décembre 1937, soit 9 ans après la première production des studios Disney, Pleine Crazy. Donc, en 9 ans, c'est ça qui est beau, c'est qu'en 9 ans, on est passé de court-métrage muet en noir et blanc à un long métrage d'animation en couleur et sonore. C'est une adaptation du conte des frères Grimm. Contrairement à La Belle et la Bête ou La Reine des Neiges, c'est pas une adaptation libre. Il y a quelque chose qui ont été enlevé, changé, mais au final, c'est quand même assez proche de la version originale. Alors, je t'avoue que je n'ai jamais lu la version originale, donc je te fais totalement confiance. Moi non plus. On a fait notre Je fais boulot, totalement mais confiance voilà. aussi. On se livre On va faire. dans les archives des films Walt Disney de l'édition Taschen, qui m'a beaucoup aidé, comme je disais tout à l'heure, contrairement à Wikipédia, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Alors, c'était quand même un projet super audacieux pour l'époque, hein. Comme tu l'as dit, c'était le premier long métrage animé en couleur. Les longs métrages animés pouvaient ennuyer le spectateur. Tout le monde pensait que ça pouvait ennuyer le spectateur. Les longs métrages animés, eh bien, ça coûte cher parce que c'est des vrais dessinateurs qu'il y a derrière. Hein. C'est image par image, fond par fond, personnage par personnage. Ouh, je me suis embarqué dans un truc, moi. Et c'est difficile à réaliser parce qu'il y a beaucoup de personnes à mettre en commun et c'est très très long aussi à réaliser. Il a quand même coûté 1,4 million de dollars. Ce De qui est quand même l'époque. énorme pour l'époque. Déjà, aujourd'hui, tu te dis que c'est énorme, mais pour l'époque, c'est super cher. Oui, en plus, c'est les dollars Bah, de c'est l'époque, effectivement. ouais, c'est de l'époque. Donc ça coûtait environ 100 millions, je crois, un truc comme ça. Oh là là, punaise. Et heureusement pour eux, ça a rapporté 8,5 millions de dollars de l'époque. Donc le pari est totalement réussi. Pari risqué, car c'était quitte au double niveau de l'argent. Hein, c'était soit ils allaient mettre la clé sous la porte, soit, eh bien, ce qui est arrivé arriva, ils sont rentrés dans la légende. Pour présenter le projet et surtout convaincre tout le monde, Disney s'est mis en scène pendant près de 2 heures où il a raconté l'histoire, les différentes scènes ainsi que les personnages. La production a duré 3 ans et monopolisé, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de monde, 750 personnes. Encore une fois, c'est énorme. Et pour que tout soit le plus réaliste possible, les animateurs ont dû s'inspirer des gestes de véritables acteurs, et même plus que s'inspirer, ils ont croqué à chaque fois les acteurs pendant qu'ils bougeaient. Tout était mis en scène en réel avant d'être animé. C'est Marge Champion, qui avait entre 15 et 17 ans à l'époque, qui a été choisie pour interpréter Blanche-Neige à l'époque. Et il faut savoir que cette femme-là, cette Marge Champion, avait une formation de danse classique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gestes très dansés au final dans ce personnage de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Et sa formation venait de son père. Ah! Son père était prof de danse et elle a gardé ça après. C'est cet excellent bouquin aussi. Oui, ce soir, c'est la grande librairie. Cet excellent bouquin de Jérémy Noyer, avec ses différentes interviews, ses entretiens avec un empire. Et la toute première interview, c'est celle de Marge Champion, Champion, on va dire Champion. qui était réalisée en 2009. Peut-être que la dame est morte entre-temps, on ne sait jamais. Je sais pas. Si elle nous écoute. Honnêtement, je pense, elle avait quoi, 15-17 ans En 37, En 37, 20 ans, donc bah elle est si, de elle peut, 21. elle a peut-être 100 ans, hein, peut-être. Ouais. C'est Adriana Caselotti qui a fait sa voix, donc la voix de Blanche-Neige. La voix, est-ce que tu sais si la voix chantée, la voix parlée, c'est la même personne ou pas? Parce que quand je l'écoutais en Oui. anglais, ça m... Alors, elle n'a pas la même voix, je trouve, en chantée et en parlée. Ça m'a... Ou alors, directement, dès qu'elle chante, elle prend un placement extrêmement lyrique, du coup, qui change absolument la voix de Blanche-Neige. Dis-moi plus, si tu en sais plus. Alors, c'est la même personne. Elle a été. Alors, c'était un casting à l'aveugle. Ah. Comme ça, il n'y avait vraiment aucune incidence sur le physique de la demoiselle. Et Disney l'a choisie parce qu'elle avait vraiment le timbre de voix qui correspondait à sa Blanche-Neige. Et au point où est-ce que dans toutes les versions étrangères du film, c'est sa voix qu'on entend sur les notes, sur toutes les notes les plus aiguës. Ok, les... Ah. Dès qu'en fait, il faut qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle fasse des raies, des contre-raies avec les petits oiseaux en plus, c'est elle qu'on entend. Ok. Ça, Et c'est je une... crois pareil que son père était chanteur aussi. La voix du prince était faite par Harry Stockwell. La reine par Lucille Laverne. J'adore sa voix anglaise. Elle est extraordinaire. Hatsum a été fait par Billy Gilbert. Quelque Pareil, chose qui de... était un monsieur de l'époque. Ok, très bien. Et Pinto Colvig a fait deux nains. Lesquels, du coup? Est-ce que tu le sais? Je sais pas. Il a fait deux nains et c'était Aucune le idée. Goofy de l'époque. Et ça, c'est quand même super amusant. Certains passages du conte supprimés ou radoucis. Et c'est là que je peux ressortir le Tachen. Le Tachen qui a dit quelque chose par rapport à ça. Qui est très intéressant, je trouve, pour montrer à quel point, en fait, au final, Disney cherchait déjà à adoucir et puis à faire des jolis happy endings. Même si Blanche-Neige est plutôt sombre comme dessin animé, le Tachène dit le conte des frères Grimm est considérablement transformé. Disney supprime deux tentatives d'assassinat de Blanche-Neige par la reine, la première à l'aide d'un peigne empoisonné, la seconde avec un corset. Là, ça donne le niveau de l'ambiance. Tu m'étonnes. J'imagine, il laisse le truc, c'est génial. Il remplace le schéma narratif répétitif traditionnel par des gags récurrents et du comique de répétition, tant visuel que verbaux, tels que les contrepétris de prof, la misogynie grincheux et le gag de la tortulente. Dans la version de Grimm, la reine danse jusqu'à la mort au mariage, dans les essuies de fer rouge, tandis que dans celle de Disney, elle tombe d'un précipice. C'est la première mort d'un précipice, et ce n'est pas la dernière, parce que j'ai l'impression que tous les... Enfin, j'ai l'impression c'est tous les morts des méchants chez Disney, ils tombent d'un précipice. Oui, Clayton, souvent. la bête, Frollo, qui c'est que je note? Je crois que j'ai Jafar aussi qui l'a fait. Oui. Ils tombent tous d'un précipice. Oui, j'ai la réponse pour Pinto Colvig. Il avait fait Grincheux et Dormeur. D'accord. Et c'est Oui, marrant, c'est Grincheux vraiment deux qui parle personnages beaucoup, bien Dormeur différents quand même. beaucoup. La phrase des frères Grimm, les bêtes sauvages qui venaient la frôler mais qui ne lui faisaient pas de mal, prend une dimension plus importante à travers la scène où les animaux et les oiseaux aident Blanche-Neige et la conduisent à la chaumière des nains. De la même façon, le passage du conte où les bêtes, entre guillemets, les bêtes y venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige lors de sa mort et développaient à travers un deuil de la nature tout entière autour du cercueil, une scène clé du film. Ok, punaise. Comme quoi, ils ont changé sans vraiment. Disney a voulu faire changer sans vraiment changer. Je trouve ça super intéressant. Mais c'est voilà, Voilà, c'est des petites c'était ma choses première référence ta bon chaîne. qui sont pas forcément super, on va dire utiles. Oui, on peut dire ça. Le film a gagné en fait un Oscar d'honneur sous forme de 8 Oscars, un grand, un de taille normale quoi, et 7 petits pour les 7 nains. Ça, c'est le fait que ce soit un Oscar d'honneur qu'on lui donne parce que bah, c'était quand même assez extraordinaire ce qu'il avait fait. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Reconnu comme une innovation significative, j'y ai arrivé, Significative. qui a charmé des millions de personnes et inauguré un nouveau terrain de divertissement pour le dessin animé. Donc, ça, c'est exactement l'intitulé de l'Oscar d'honneur, reconnu comme une innovation cinématographique, etc., etc. Faisons tout de même un petit résumé de l'histoire traduit de Disney et Tootsie de Dave Smith. Une jolie fille, Blanche-Neige, prend refuge dans une maison dans la forêt habitée par sept nains. Prof, joyeux, timide, dormeur, Hatchoum, grincheux et simplet. Elle se cache de sa belle-mère, la reine. La reine est jalouse car elle veut savoir qui est la plus belle du royaume. Et la beauté de Blanche-Neige la surpasse. Les nains aiment de plus en plus leur invité inattendu qui nettoie leur maison et leur fait la cuisine. Mais un jour, alors qu'ils vont travailler dans leur mine de diamants, la reine arrive dans leur maisonnette, déguisée en vieille femme. Elle persuade alors Blanche-Neige de croquer dans une pomme empoisonnée. Les nains, alertés par les animaux de la forêt, courent vers la maison chasser l'affreuse belle-mère. Mais il est trop tard pour sauver Blanche-Neige. Ils la couchent alors dans un cercueil de verre dans la forêt et veillent sur elle. Le prince, tombé amoureux de Blanche-Neige, la prend et la réveille grâce à l'antidote que la reine a appelé The True Love Kiss, le premier baiser d'amour. Voilà pour le résumé. Alors, Max, parle-moi un petit peu de la musique. On va vraiment rentrer dans le vrai vif du sujet. Alors, la musique. Donc, le dessin animé se construit comme un grand moment musical et cinématographique animé. Toutes les chansons s'enchaînent avec fluidité, sans pause, et surtout sans assommer le spectateur. Et ils ont composé en tout entre 25 et 32 chansons pour le film, mais au final, on n'en a gardé que 8. Et je crois qu'il n'y en a strictement aucune qui ont été réutilisées plus tard. Parce que, par exemple, pour Peter Pan, ils avaient repris une chanson qui avait été à la base choisie pour Alice au Pays des Merveilles. Alors que là, même pas du tout, quoi. Ils ont entre 17 et puis 24 chansons qui n'ont pas été utilisées. Dans l'ordre, il y a I'm Wishing, One Song, qui s'enchaîne. With a Smile and a Song, juste après la fuite dans la forêt. Whistle while... Siffler en travaillant. Je me disais, est-ce qu'il va vraiment tenter? Whistle while you work. Donc siffler en travaillant, qui s'enchaîne directement avec Hi Ho. The Washing Song, donc on se lave, et la chanson du bain des nains. Il y a le Yodel, bah, il y a le Dwarf Yodel Song, c'est le Silly Song, c'est un peu le tableau musical vraiment costaud du dessin animé, qui s'enchaîne directement avec Someday My Prince Welcome. C'est un orchestre symphonique qui est utilisé pour la musique, agrémenté de quelques instruments populaires, ce qui donne ce côté européen à la musique tout en donnant un peu plus de légèreté. Quand je dis populaire, je ne dis pas populaire de façon négative, mais des chansons un peu plus traditionnelles, quoi. C'est ce qui donne un côté un peu plus traditionnel. Et le dessin animé s'inscrit dans la lignée en fait des opérettes. À l'époque, la comédie musicale n'existait pas. La comédie musicale est arrivée, si je me trompe, tu vas pouvoir confirmer, vers les années 50. Alors, ça a vraiment commencé au niveau des années de 1927. Avec The Jazz Singer? Non, alors ça c'est film pour les films musicaux, mais c'est vraiment Showboat en 1927 qui ramène le vrai musical sur scène, la vraie comédie musicale sur scène au sens où on l'entend maintenant. 1927, c'est effectivement The Jazz Singer, où pour le coup, c'est le son en accord avec l'image. L'opéra à l'époque était vraiment le truc un peu élitiste, très très grand, très grandiose, et les opérettes, les trucs beaucoup plus légers, faits pour tout le monde. Ces instruments populaires que je parlais, c'était la batterie, le banjo, l'accordéon, et ne sont utilisés principalement que pour les chansons où il y a les nains. Enfin, où les nains plutôt ont un rôle vraiment important. D'habitude, je fais une analyse chanson par chanson. Enfin, je fais des analyses. Des chansons une par une. Là, le problème, c'est que tout s'enchaîne tellement de manière grandiose, et puis au final, je pense beaucoup plus parler de la musique instrumentale que des chansons en elles-mêmes, que j'ai décidé de faire une description chronologique de la musique. Le film débute par une ouverture en fanfare, annonciatrice ce que j'ai appelé des love themes du film, donc Someday My Prince Will Come et One Song. Je trouve que cette ouverture en fanfare, en fait, où est-ce qu'on utilise des chansons. Qui vont être utilisés dans le film, donneront par la suite les fameuses ouvertures des comédies musicales. Je pense principalement à celles de Disney, que j'ai pu entendre en mode de La Belle et la Bête, Le Roi Lion, un truc comme ça. Bah, pour le coup, c'est effectivement, mais déjà à l'époque, dis-moi si je me trompe pour le coup, au niveau des opérettes, souvent, avant 1927, avant l'arrivée des music halls, justement, il y avait ces ouvertures où on entend justement J'arrête pas de dire justement depuis tout à l'heure, je m'en rends compte. Les thèmes qui reviennent et qui se mélangent, ça existait déjà au niveau des opérettes auparavant. Et encore Les plus à partir de opérettes. 1927 avec Showboat. Les opérettes, je suis beaucoup moins familier. Dans les opéras, je sais que les ouvertures servaient surtout à faire une sorte de propagande et raconter un petit peu la vie de l'époque. Mais c'était rare qu'on s'est utilisé. Oh, si, à l'époque baroque, on utilisait quelques thèmes qui allaient. Enfin, quelques musiques qui allaient apparaître plus tard dans l'opéra. Au final. Mais enfin, de la manière vraiment de Blanche-Neige. C'est pas. Je connais pas un truc aussi fort en fait. Non, non, dans tous les cas, non. Et cette musique, en fait, au niveau de l'image, elle accompagne quelque chose qui deviendra la règle des Disney du premier âge d'or. Le livre qui s'ouvre. On voit un livre, on voit la couverture du livre avec le titre, et le livre s'ouvre. Et ça raconte à chaque fois l'histoire, Once Upon a Time, machin, machin, machin, machin, machin. Oh, tu le vends bien. Ensuite, on présente le personnage de la reine, du miroir et de ses pouvoirs. Alors, la reine et le miroir ont tous les deux un thème différent, mais en fait, qui se ressemblent beaucoup. Ils sont sombres, tous les deux, très mystérieux, et que je trouve, moi, très proche du prélude à l'après-midi d'un faune. Je n'avais fait une vidéo il y a un an de ça, c'était ma première vidéo. Le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est une flûte qui fait un chromatisme descendant. C'est une ambiance très mystérieuse, très très mystérieuse. Et en fait, ce thème, c'est la même chose, mais au cor anglais, avec un trémolo de cordes au-dessus, qui rajoute en fait une sorte de tension. Je trouve ça assez impressionnant, c'est qu'au final, le dessin animé de Blanche-Neige, au bout de 5 minutes, il pose déjà un truc, c'est que c'est pas un truc fait à la légère, comme ça pour le fun, c'est vraiment réfléchi, c'est construit, c'est développé. On utilise quand même des références de Debussy. Debussy, il était mort 20 ans avant, c'était de la musique qui était pas super abordable pour l'époque. Et donc c'est voilà, donc on entend bien que Debussy a été une source d'inspiration dans la musique du dessin animé. Ensuite, cette musique contraste avec la légèreté de l'instrumental et de la chanson suivante, qui est une chanson chantée par Blanche-Neige, qui est beaucoup plus aérienne, qui a une chanson qui est beaucoup plus aérienne et beaucoup plus naïve, et qui permet de faire donc la transition avec I'm Wishing, qui est un dialogue court entre Blanche-Neige et son écho, quelque chose proche d'une berceuse, d'une petite mélodie insouciante. Le thème est très court, il est très simple, ça se retient sur un intervalle de quinte. Il n'y a pas plus simple que ça. En fait, c'est comme un petit appel à chaque fois. Et la chanson s'enchaîne directement avec One Song, qui est le premier grand love theme du film, le love theme du point de vue du prince. En fait, Blanche-Neige souhaite tomber amoureuse, et puis d'un coup, qui c'est qui se pointe? Le grand amour, le prince. C'est un thème majestueux, c'est un thème lent, c'est toujours dans l'aigu. Je vais ressortir un autre livre, L'art musical de Walt Disney par Michel Bosque. Et ce monsieur dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est une déclaration d'amour, c'est une déclaration et une déclamation d'amour en réponse au vœu de Blanche-Neige. Cette chanson se finit, Blanche-Neige fuit, blablabla, blablabla. Et on retombe sur la scène de la reine qui demande au chasseur de tuer Blanche-Neige. Et pour tuer Blanche-Neige, le chasseur l'emmène dans la forêt. Il est assez menaçant, il y a un gros gros roulement de timbales pour montrer que c'est dangereux, c'est de plus en plus fort, et puis d'un coup tout s'arrête, il dit qu'il peut pas la tuer, et il lui montre de fuir. Et la scène de la fuite, elle est, je trouve, techniquement géniale. C'est rapide, c'est fort, c'est pas stable, il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de cordes, et c'est assez impressionnant, en fait toute la tension est là-dedans. Et moi ça m'a fait penser, là par contre c'est vraiment mon avis, il n'y a rien qui a été prouvé, je pense que c'est même très loin de ça, ça me fait penser en fait à la scène de la tempête dans l'opéra de l'époque Alcyone de Marin Marais. Marin Marais est un compositeur baroque, et il a donc composé Alcyone, Alcyone. Je ne sais pas du tout ce que ça raconte, et dedans il y a une scène de la tempête, et c'est là en fait qu'il utilise une machine ça s'appelle comment, une casse à pluie ou une casse à tempête. C'est un gros tambour qui font tourner avec des petits grains dedans, et puis Je ça vois. fait vraiment le bruit de la pluie. Tout ça s'énerve avant que Blanche-Neige, au final, ne se calme et que son insouciance reprenne le pas avec du Célestat. Le Célestat, c'était l'instrument de l'époque. On a eu le clavier numérique avant le synthétiseur, il y a eu l'orgue à mont et le Célestat encore avant. Un petit clavier à percussion, tout mignon, une sorte de xylophone à clavier. Moi, j'aime bien, j'utilise Ça donne un toujours dans les petit côté. musiques. Oui, enfin, en fait, ça s'utilise toujours, mais c'est beaucoup plus rare, en fait. Surtout, je pense que l'instrument, au final, a réussi à bien être développé dans les sons de synthétiseurs. Oui, c'est sûr. Et donc, le Célestat, ça donne un petit côté très léger, très, très mignon. Et c'est là, donc, la chanson Un sourire en chantant. Je crois que je me suis même saoulé à l'écrire en anglais. Je l'ai mis en français dans le conducteur. La chanson En sourire en chantant apparaît, qui est annoncée en fait avec le fameux dialogue entre Blanche-Neige et puis un petit oiseau tout mignon. Elle permet d'apaiser le spectateur de la séquence stressante qui vient de se dérouler avant de s'enchaîner avec la découverte de la maison des nains et de la chanson sifflée en travaillant. Ça va très très vite. On a Un sourire en chantant. La chanson continue de manière toute mignonne jusqu'à temps qu'on arrive sur le chalet des nains. Blanche-Neige fouille un petit peu. Et puis tout d'un coup, on va faire la chanson Siffler en travaillant. Toujours avec un petit peu de Mickey Mouse Sing, mais Mickey Mouse Sing, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a la chanson Siffler en travaillant. Donc une sorte de grand thème de variation du refrain Siffler en Il est super long au travaillant. final ce morceau. J'avais Ouais. oublié à quel point il était long. Il est long alors qu'au final, le C'est thème dure quoi? Allez, 45 secondes? ça? Mais le développement est très bien fait. C'est ça, en fait, c'est pas lassant du tout. Parce que l'orchestration, le changement avec les animaux, toute sorte de Mickey Mousing dans une chanson, je trouve ça très très bien fait. Et puis tout à la fin de la chanson, il y a un petit décrescendo qui amène sur la chanson Hi-Ho, qui nous permet de découvrir les nains. Hi-Ho se divise en deux parties. La première, on voit les nains en train de travailler. On pioche tic-tac, tic-tac, tic-tac dans la mine les jours entiers. Où est-ce qu'on rencontre chacun des nains un par un? Ils ont tous leur moment de chanson, sauf un. Dopi. Ensuite, donc il sonne la fin du travail, et puis la chanson Hey Ho se met en route avec Hey Ho, avec une octave Hey Ho, comme un appel, l'appel du cor qui va dans la forêt, qui résonne comme un écho. Et en fait, ces trois chansons, elles sont toutes les trois, pardon, des standards. Ces trois chansons sont toutes les deux des standards. Toujours là pour appuyer sur tes En fait, erreurs, y a pas j'ai mon lapin qui fait du bruit à côté, ça me stresse. Arrête. de Et en fait, tous les trois, ce sont des standards. Des standards, ce sont des chansons qui se construisent toutes de la même manière. Ce sont des mélodies qui font 16 à 32 mesures. Alors, ce sera le petit moment de découverte musicale. Des mesures, c'est quoi? C'est un ensemble de pulsations avec un temps fort à chaque début de pulsation. C'est ton C'est problème. très mal défini. Tu veux que je prenne le dictionnaire de la musique pour voir comment ils le traduisent? Qu'est-ce qu'une mesure? Ça, ce sont deux bâtons. Deux C'est bâtons ça. sur une partition. Et en fait, toutes les 16 ou 32 mesures, il y a quelque chose, il y a la mélodie qui revient à chaque fois. Et ça formera à chaque fois la base du tableau musical. Ces mélodies, elles sont simples, elles sont répétitives, elles sont facilement mémorisables et sont très souvent aussi avec des accords très simples qui tournent autour du premier, du cinquième, du cinquième degré, un truc en gros vraiment hyper bateau. Et à chaque fois, sont extrêmement bien réalisées parce qu'elles sont développées grâce à un grand thème et variation. On expose la chanson une première fois de manière simple pour qu'on retienne la mélodie et après on la varie à chaque fois en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et en fait, c'est un peu comme dans une comédie musicale. Oui, Enfin, totalement. je pense, à chaque fois, j'ai l'exemple de C'est la fête ou de Friends Like Me dans la version de Broadway de Aladdin, où est-ce qu'en Ouais. fait on prend la chanson et puis on développe, on développe, on développe, on développe, on est dans tous les styles possibles, quoi. Oui, ça peut Et totalement ressembler, donc, effectivement. on enchaîne directement la chanson Hey Ho, Hey Ho. Blanche-Neige va se coucher. On réentend encore un petit peu la chanson au moment où les nains en fait arrivent chez eux et puis qu'ils se rendent compte que leur maison est habitée. Et donc la scène où les nains découvrent que leur maison est habitée par un monstre pour eux, c'est un exemple solide, extrêmement complexe, mais efficace de Mickey Mousing. Le Mickey Mousing, c'est un geste, un élément sonore. Chaque geste, animation, personnage, sentiment est habillé par un geste musical caractéristique, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin au final de tant de dialogue que ça. C'est là qu'on se remarque que le mutisme de Simplet ou celui des animaux est extrême, montre l'importance de la musique et du Mickey Mousing dans la scène en fait. Il n'y a C'est pas besoin de absolument parler pour vrai. comprendre que Simplet, il a peur. Il n'y a pas besoin de parler pour montrer que Simply, en fait, ben, il est quand même un petit peu courageux, et puis il y va, il s'y tente. Le Mickey Mouse Singing fait vachement bien le boulot. Et en fait, le procédé, il est même utilisé jusqu'à la chanson The Washing Song, donc, qui est la cinquième chanson, donc le nouveau standard qui utilise lui-même le procédé du Mickey Mouse Singing. Par exemple, lors de la capture de Grincheux, la chanson s'arrête, on fait une coupure pour faire du Mickey Mouse Singing pour montrer tous les copains qui vont attraper Grincheux. Ensuite, les nains se lavent. Il y a encore un fondu descendant vers la prochaine scène. Et en fait, c'est là que nous retrouvons de nouveau la reine avec son miroir et son motif musical. Avant d'avoir une nouvelle inspiration, donc selon moi, une nouvelle inspiration d'Alcyone de Marin Marais pour la transformation de la scène. Alors, les percussions, comme tu l'as dit, ça va vite. Il y a beaucoup, au final, dans ce film. Et du coup, beaucoup au niveau des morceaux, des fondus au noir. Des fondus au silence, des fondus au noir. Et c'est vrai qu'en le revisionnant, ça m'a choqué qu'il y ait autant de fondus comme ça. Là, il y en a une bonne dizaine quand même. Ne se finissent pas. C'est comme si il développe beaucoup les scènes, mais tu as l'impression que c'est vrai que c'est un côté un peu interminable. Et heureusement qu'il y a ces fondus, parce qu'en fait, on ne peut pas se terminer. Mais du coup, je trouve ça presque triste et je trouve qu'il manque justement une fin à chaque fois, une fin aux choses, plutôt que de se laisser se couler. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à trouver de fin assez intéressante pour l'arrêter net, mais non, ils préfèrent faire couler comme ça et je trouve que c'est un petit peu triste au final. C'est à se poser la question, comment on verrait par exemple la fin de... Parce que la fin de Hey Ho se voit à l'écran, vu qu'on montre les nains qui d'un coup découvrent que leur maison est habitée. C'est à ce moment-là que la chanson Hey Ho s'arrête. Mais par exemple, la fin de la chanson The Washing Song, comment on pourrait l'arrêter? Est-ce qu'il faudrait encore faire une version, et puis marquer On se lave, et puis à la fin ils changent les paroles, on s'est lavé, et puis ils arrivent à table pour faire un Mickey Mouse? Oui. Mais ça alourdirait, selon moi, hein, ça alourdirait un petit peu le film, non? Je sais pas. Non, je suis d'accord. Il y a quand même beaucoup de fondu noir. Ouais, la fin de Siffler en travaillant, fondu au noir. Après, ils sont en train de partir au fond de la scène. Mais effectivement, c'est un fondu. J'ai eu souvent cette impression que c'est pas fini. Et c'est fondu au noir aussi, à chaque fois, c'est pour amener une nouvelle idée avec des nouveaux personnages. La fin de Siffler en travaillant, c'est pour montrer les nains qu'on n'est pas encore vu. La fin de The Washing Song, c'est pour aller vers la reine. En fait, c'est vraiment pour changer. C'est la solution de facilité du changement de. C'est ça, changement de plan, d'ambiance, d'atmosphère. Bah, la chanson ne sera pas finie. Oh, j'avais des idées, mais bon, ouais, c'est bon, la flemme. La fin était une apothéose et Walt Disney a dit non, on finit là. Allez. Oh putain, tellement. C'est moi le génie ici, c'est pas vous. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, après The Washing Song et le fameux fondu enchaîné et le fondu en noir, sur le noir, on retrouve la reine, son miroir, son motif musical avant d'avoir une nouvelle donc, inspiration d'Alcyone, avec les percussions qui jouent, les cuivres, les cordes qui vont très très vite, tout ça, pour montrer la transformation de la sorcière, à quel point c'est totalement effrayant. À noter qu'ils ont... Il y a un acteur qui a fait, c'est un homme, il y a un acteur qui a servi de modèle à la sorcière, je pense. C'est super. Quand on va parler de la comédie musicale, on va en reparler alors. Oui, c'est pour ça que je voulais pas en parler maintenant. Eh ben, je garde la page numéro 14. j'avais eu tes petites notes. Donc voilà, la transformation de la sorcière. Et bien sûr, à la fin de la scène de la transformation de la sorcière, je les ai mis ce qu'il y a. Un fondu enchaîné. Faut que je réponde quelque chose. Merde. Bah, c'est facile. Hein. Entre toutes les scènes, c'est la même réponse. Oui. Y a un fondu enchaîné, et surtout un fondu enchaîné en fait vers la chanson des nains qui est déjà commencée. Donc là, on n'aura pas de début dans la chanson des nains. Ah, mais décidément, c'est insupportable. Mais il y aura une fin. Mais il y aura une fin. Et donc, ça s'enchaîne sur le yodel, qui est un nouveau standard de 32 mesures où Blanche-Neige et les nains dansent. S'amusent tous ensemble. Cette musique nous confirme que nous sommes bien en Europe et surtout entre le sud de l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. On est en gros en Bavière, quoi. La musique est extrêmement populaire dans le sens pour le peuple. Elle utilise plein d'instruments qui ne sont pas dans l'orchestre symphonique. comme je disais un petit peu plus haut, les instruments, c'est le banjo, c'est la batterie, c'est l'accordéon, je crois qu'il y a aussi de l'harmonica, un violon tout seul, vraiment bien populaire, un petit peu de l'Est, un truc comme ça, quoi. Et aussi une clarinette. Parce que la clarinette, on s'en fiche, c'est pas beau. Ok. Il n'y a pas de clarinettiste ce soir. Non, c'est vrai. C'est un grand thème et variations généreux et très fourni aussi. En fait, là, c'est le moment où chaque nain a son moment de gloire. Chaque nain est mis un par un. Ils sont soit en train de chanter, soit en train de jouer de la musique. Celui qui joue de la clarinette, je crois que c'est Dormeur. En fait, lui, pareil, il a pas besoin de parler. De toute façon, il n'a pas le temps de parler, il est trop fatigué, donc il fait la clarinette à la place. Et Il a quand même de la force pour souffler dedans, hein. Et puis manger une mouche aussi. Et bizarrement, le nain le plus bruyant, c'est celui qui fait la batterie, et c'est simplé. C'est rigolo. Je viens de tilter comme ça, je fais illumination. Même la musique, lorsque Grincheux, qui est à l'orgue, joue dans l'aigu, ses doigts seront dans l'aigu. Donc la clarinette, plus on bouge de trou, plus on joue dans le grave. Donc en fait, il respecte l'ordre de notes à chaque fois. Lorsque Simplet joue de la batterie, ils font attention à ce qu'ils tapent bien sur les bons tons et trucs comme ça. En fait, tout ce qu'on voit, c'est vrai. Mais ça a toujours été Super. un truc que Disney a toujours fait. Parce que dans The Skeleton Dance, la première Silly Symphonies, lorsque les squelettes jouent du squelette, lorsque les squelettes jouent du xylophone sur leurs vertèbres, et c'est pareil, c'est toujours au bon endroit. Dès que c'est aigu, ça va vers le haut. Dès que c'est grave, ça va vers le bas. C'est vraiment un truc super. Et en fait, au final, c'est un réel bijou diégétique. Je trouve que c'est la première fois où est-ce que les instruments prennent vraiment partie dans la musique, et c'est la scène diégétique. Et la chanson se termine par un grand, grand roulement de tambour qui, lui, n'est plus diégétique, pour montrer qu'Atchoum, en fait, va éternuer. Et le roulement de tambour, en fait, ça amène le moment à quel moment Atchoum va éternuer, et puis les nains qui se cachent tous un par un. Et la scène se finit sur Atchoum qui a éternué. Quelle Et c'est à fin! ce moment-là, en fait, c'est ça, il n'y a pas. C'est une belle note, viens, frère, c'est posé, il n'y a pas de fondu. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le deuxième love theme apparaît, qui est lui le love theme de Blanche-Neige, construit sur la forme de récitatif air. C'est donc la forme basique à l'opéra, où le récitatif, ça permet de poser l'action, et l'air, ça permet de déclamer ses sentiments. Là, on découvre au final dans le récitatif les sentiments de Blanche-Neige. C'est la première fois que Blanche-Neige parle vraiment de l'amour qu'elle a pour le prince. Au début, on ne sait rien de cet amour. 30 secondes après, elle a tout dit au nain, on sait tout de son amour. Dans l'air, elle développe ses sentiments dans la chanson. Un jour, mon prince, Viendra. moi, sur un joli trois temps. Très berçant, dansant. C'est calme, c'est lent, c'est doux comme une berceuse. Et la mélodie, elle est ascendante. Pour montrer la passion de la demoiselle, on commence sur un do grave et on finit sur un sol aigu. On a en gros une octave plus une quinte, donc ça fait 8 et 5, ça fait une treizième. Ouais. On a clairement une treizième pour montrer tout l'amour qu'a Blanche-Neige pour son prince charmant. Et surtout, cette note, ce sol tout en haut est vraiment d'une légèreté cristallin. Il est envoûtant, je trouve, moi, ce sol, C'est avant de magnifique, oui. redescendre tout doucement. Et je pense qu'il doit être très très dur à faire. C'est pas qu'il est dur, c'est qu'elle le place très très bien. Il n'est pas difficile à faire, mais il est très bien placé. Si on a gardé sa voix pour le truc, c'est qu'il y a une raison, je pense. Oui. Dans toutes les versions de l'album, je pense que c'est qu'il y a une raison. Et dès qu'elle a fini de chanter, tout le monde va se coucher. Et là, on va entendre une mélodie qu'on a déjà entendue auparavant, c'est la mélodie du sommeil. Au moment où on voit Blanche-Neige s'endormir, il y a une mélodie très jolie. Et c'est la même qu'on entend par la suite lorsque les nains s'endorment tous à part. Transition. Fondu. La scène s'enchaîne sur la préparation de la pomme avec un motif chromatique qui tourne en boucle sur une pédale pour montrer attention. Donc la pédale, ça met une grosse stabilité, un immobilisme total. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une pédale, justement? C'est un truc que t'appuies dessus. J'ai hésité, j'ai tellement hésité, mais j'ai voulu que voilà, je t'ai laissé le faire. Une pédale, c'est une note tenue. Très longtemps. Dessus, on met plein d'accords, on met plein de mélodies, on met tout ce qu'il faut, mais c'est juste une note tenue. Et en fait, ça apporte une tension dramatique à une musique. À chaque fois, en fait, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. En général, c'est ce qu'on appelle une pédale de dominante. La dominante, en fait, c'est l'accord suspensif dans une musique. Et quand on tient une pédale de dominante, c'est que là, on a décidé vraiment de faire un gros, gros, gros suspense et on a décidé de mettre mal à l'aise le spectateur. L'auditoire, le son. Et donc, en fait, il y a cette grosse pédale qui est jouée, et puis par-dessus, il y a un motif chromatique qui tourne en boucle. Le chromatisme, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on l'a déjà vu Je crois dans qu'on l'a déjà Jack. vu, Ce ouais. sont les petites notes. C'est quand les notes s'enchaînent avec un très, très, un très, très peu d'écart. En fait, ce chromatisme, ça mène toujours aussi une tension. Et cette pédale, ce chromatisme qui s'enchaîne avec un gros crescendo de nuances de plus en plus fort, eh ben, ça fait peur. Et comme pour la reine et pour le miroir, en fait, c'est le même procédé qui est utilisé. S'ensuit ensuite de manière. Donc, s'ensuit un fondu enchaîné vers Blanche-Neige qui dit au revoir aux nains qui vont aller travailler. Donc, il y a la chanson I O qui est mise au moment où les nains vont tous faire un bisou un par un à Blanche-Neige et partent au travail. Et il y a la chanson Someday my prince will come qui revient lorsque Blanche-Neige prépare la tarte aux myrtilles. Et où est-ce qu'elle écrit Grumpy dessus ou Grincheux? Au final, Blanche-Neige ne serait peut-être pas amoureuse du prince, mais de Grincheux. Je pose ça là. À ce moment-là, il y a un long crescendo orchestral qui se commence. Ça commence au moment où en fait, la reine transformée en sorcière apparaît à la fenêtre de Blanche-Neige pour la forcer à manger une pomme. C'est entre le Mickey Mousing, c'est entre le figuralisme et la musique narrative. Il y a les trois éléments qui sont mélangés. Et au final, ça nous fait quelque chose d'ultra dramatique. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au moment où Blanche-Neige croque la pomme, tombe par terre, il y a un petit silence, où on voit la main, pas de fondu noir. La sorcière en fait se réjouit de ça, il y a un petit silence, les animaux voient ça, et à partir de là, le Mickey Mousing repart et ça joue très très vite pour montrer les animaux qui courent vers les nains. Il y a quand s'ensuit ensuite la course-poursuite entre les nains et puis la sorcière, qui en gros pour moi une dernière référence à la tempête de Marin Marais, et jusqu'au moment où on voit la mort de la sorcière qui tombe donc de sa falaise. Les nains regardent par la falaise pour voir que la sorcière est bien morte. On voit les vautours tourner. Ils sont rapides à chaque fois, hein. Les vautours? Ouais, quand il y a quelqu'un de mort. Oui. Surtout, les vautours étaient déjà là depuis longtemps. Les vautours sont là, en fait, depuis le départ de la sorcière, depuis sa caverne. Les vautours sont là. Au début, bien sûr, pour signaler la mort de comment ça s'appelle? Blanche-Neige. Blanche-Neige, et au final, Comment pour elle s'appelait montrer que c'est déjà? bien la sorcière qui est morte. Je sais plus le nom de l'héroïne. À ce moment-là, pas de fondu enchaîné. On voit les vautours tourner. La caméra, enfin la caméra, l'image monte vers le ciel noir et redescend vers le chalet des nains. Et nouvelle citation de la musique savante et surtout européenne, avec une musique dans le style du choral de Bach. Je vais faire vite fait, c'est quoi le point choral? Le point choral. C'est le point Jean-Sébastien Bach choral, est. le point choral, le point choral. C'était un donc, compositeur de la période baroque qui est mort en 1750. Et en fait, il a été titulaire pendant de très nombreuses années de trois orgues situés en Allemagne. Et la Psyche, et après, je ne dirai pas les deux autres parce que je vais me planter. Et donc, tous les jours, à la limite, il devait composer un choral pour la messe. Un choral, c'est une écriture verticale, et où est-ce qu'on est, on va montrer tout le côté sacral de sa pensée. Comme quoi on pense très fort à Dieu. Et il y en a pour toutes les sauces, il y en a pour montrer la naissance de Jésus, il y en a pour montrer ce qu'a fait Jésus, il y en a d'autres pour montrer la mort de Jésus, bref, c'est tout le temps qu'il y a des chorales. Et bien là, pour montrer la mort de Blanche-Neige, le recueillement, le côté sacral de sa mort, et bien en fait on utilise un choral dans le style de Bach. Même pas jazz, vraiment le truc hyper bateau, très classique. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur Jean-Sébastien Bach, quelque chose quand même assez drôle, touchant et intéressant, je vous conseille de regarder la pièce de théâtre Que ma joie demeure de Alexandre Astier. qui a fait un travail extraordinaire. Voilà, voilà. Et si vous voulez aussi découvrir une autre pièce de Bach, je vous conseille de regarder l'ouverture de Fantasia avec la toccata en ré mineur. Exactement. La toccata et fugue en ré mineur, orchestrée par Stokowski. Et si vous voulez encore savoir plus sur Bach et de manière plus construite, Jérémy Noyer, qui a écrit dans ce fameux bouquin, a aussi fait une thèse sur la messe en si mineur de Bach. Ah, super. Il en a fait des choses, ce monsieur, faut qu'on l'invite. Je pense qu'il serait volontiers. Je vous envoie un message, vite. Et la chanson se finit sur un petit fondu noir qui repart en fait sur la fin du livre. C'est que ça, ce film. C'est une scène, un fond du noir. Une scène, un fond du noir. C'est ça. Qui part en fait sur la fin du livre pour expliquer que ben, les nains, ils n'avaient pas le cœur à enterrer Blanche-Neige. Donc le prince apprend la nouvelle que Blanche-Neige est morte et il va l'embrasser et tout ça. Et juste en fait, au moment où le prince commence à arriver, il rechante la chanson Un chant, One Song. Mm, ok. C'est pour montrer en gros que le prince est vraiment amoureux de Blanche-Neige, et le crescendo qu'il y a à ce moment-là aussi montre que Blanche-Neige va ressusciter jusqu'au moment où ils vont s'embrasser et qu'elle se réveille. Et au moment où elle se réveille, tout le monde est en fête et la chanson Someday My Prince Will Come revient. Elle est chantée par un chœur derrière, un chœur mixte, et ça finit par une belle cadence plagale pour faire tirer les larmes à mamie. Une cadence plagale, c'est en gros une succession d'accords qui donne un petit côté vraiment bien réconfortant et puis un petit peu puissant. L'expression faire tirer les larmes à mamie, c'était un prof à la fac qui me disait ça. Monsieur, imaginez là un grand feu d'artifice. Stéphane Echari, professeur à la fac, il est toujours super ce prof. Il aurait dit là, imaginez un grand feu d'artifice, tout ça, tout le monde il est content, et puis mamie, elle pleure. Pauvre mamie, là, quand contre les mamies. et voilà. Puis quand il a su que j'ai mis Disney, il disait imaginez la Maxime, c'est le moment parce que tout le monde s'embrasse. C'était génial. Pour l'anecdote, je disais que c'était un chœur mixte qui chantait la chanson Someday My Prince Will Come, parce que j'aimerais juste évoquer ce petit débat, enfin débat inutile, mais totalement stupide qu'il y a eu au moment où Disneyland Paris a fait sa promotion pour la réouverture du parc, et qu'ils ont fait chanter la chanson par un homme. Je ne sais pas si Disneyland Paris s'en est rendu compte. Enfin, c'était volontaire ou pas de sa part, moi ça ne m'a pas choqué du tout, j'ai trouvé ça même génial que ce soit fait par un homme, parce que ça permet de donner une nouvelle version vraiment musicale. Bien sûr. Mais cette polémique totalement stupide sur c'est fait exprès pour nous homosexualiser, j'ai trouvé ça tellement stupide. Ah bah c'est totalement immature et totalement idiot, tout simplement. Et je trouvais ça en fait intéressant de savoir que finalement Disneyland Paris n'a pas attendu, Disney en général n'a pas attendu la réouverture d'un parc après le Covid pour faire chanter la chanson par un homme. Depuis la version originale, des hommes chantent Someday My Prince Will Come. La chanson a été chantée aussi par un homme dans Fantasmic et dans la Disney Stars and Parallel. Okay. Et j'en passe. Je crois qu'Henri Salvador l'a chantée aussi. Voilà, c'est ma partie musique dans le dessin animé. Et je crois qu'il y en a une version sur scène. Et là, c'est ta partie. Exactement, nous attaquons à présent à Blanche-Neige et les Sept Nains, le musical. Il faut savoir que en 1969, dans un théâtre de Saint-Louis dans le Missouri, une petite équipe a décidé de créer Blanche-Neige et les Sept Nains, le musical. Plus tard, 3 ans plus tard, ce musical est revenu toujours à Saint-Louis dans le Missouri. Mais la version la plus connue, c'est en 1979 et 1980 qu'elle a eu lieu, pour 106 performances au Radio City Music Hall, à New York donc, une salle de spectacle ne faisant pas partie des 41 théâtres officiels de Broadway. Pour être un théâtre officiel de Broadway, il faut 500 places ou plus, ce qu'a le Radio City Music Hall, mais les personnes qui gèrent ce théâtre n'ont au début pas voulu faire partie des théâtres de Broadway, pourtant il est vraiment pas loin de l'avenue de Broadway, etc. Cette salle avait d'ailleurs, j'aime beaucoup cette petite anecdote pour commencer, cette salle, le Radio City Music Hall, qui est très connue, d'accord ? Il y a beaucoup de spectacles, du stand-up qui a lieu là-bas, il y a parfois des Tony Awards qui ont eu lieu là-bas, il y a eu des Oscars qui ont eu lieu là-bas, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. cette salle avait été sauvée de la banqueroute grâce à un producteur et directeur créatif qui avait travaillé à la Walt Disney Company, nommé Robert Janney, ou Robert Janney, en anglais dans le texte. Ça, c'est dans les années 60. Et ce personnage-là, c'est aussi très intéressant parce qu'il a participé à la création de America on Parade et surtout de Main Street Electrical Parade. Parade. Connais pas. Pas, non, pas connais connu. Pas. Oh, ça a eu lieu quelques années à Paris, puis bon, ça marchait pas, du coup, ils l'ont arrêté. Je crois qu'il n'avait pas la lumière à tous les étages. Ouais, c'est ça. Il est devenu Disney Legend en 2005 et c'est lui qui décide de ramener Snow White sur la scène du Radio City Music Hall. Alors, l'équipe, on la connaît déjà un petit peu. Qu'il a ramené parce qu'il y a eu la création à Saint-Louis. Et c'est lui qui a décidé, c'était super intéressant, finalement, on va le ramener à Radio City Music Hall. Je pensais que tu disais, en fait, que ça avait été ramené en 2005. Non, il a été Disney Legend en 2005. Et donc, ça, c'était en 79-80 à Radio City Music Hall. Pour l'équipe, on retrouve les mêmes personnes au niveau des musiques dans le film, sauf Jay Blackton, qui a fait de nouvelles créations et qui est surtout chef d'orchestre et orchestrateur sur des films comme Oklahoma, musical, Guys and Dolls, un autre musical, et qui avait surtout auparavant composé pour des opérettes, comme The Chocolate Soldier en 47. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas composé de choses intéressantes. Excusez-moi. Mais il revient sur le devant de la scène pour Snow White and the Seven Dwarfs, et il ne fera pas grand-chose après, faut le dire. Alors là, vous allez voir le nombre de personnes qui n'ont pas fait grand-chose avant ou après, on est dedans. Mis en scène et chorégraphié par Frank Wagner, et lui, c'est super intéressant parce qu'il avait chorégraphié et mis en scène les Ziegfeld Follies en 1957. Donc, plus de 10 ans après, les Ziegfeld Follies, ce sont des folies comme les Folies Bergères. C'est vraiment des spectacles avec plein de choses. Il peut y avoir du chant, du théâtre, des grandes scènes chorégraphiées. Et en fait, les Ziegfeld Follies, c'est donc de ce cher Ziegfeld que je vais googler pour pas vous dire totalement d'idiot aussi. Florence Ziegfeld, j'avais totalement oublié son prénom, qui a créé donc ces choses-là en 1931 à New York. Et c'est devenu vraiment quelque chose tous les ans, non même pas à 31, de 1907 à 31, c'était sous Ziegfeld, et ça a donc duré de 1907 à 1957. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important à New York. Et donc ça a été le metteur en scène et chorégraphe de la version de 1957, la dernière version des Follies, donc Frank Wagner a donc mis en scène et chorégraphié Blanche-Neige et les Sept Nains, le musical. Le reste des personnes n'ont pas fait de choses extrêmement connues, donc je vais très vite passer. Pareil pour le casting, au niveau du casting, nous avons Blanche-Neige, Marie-Jo Salerno, qui était inconnue au Bacaillon et qui l'est toujours. Voilà. La reine, c'est Anne Francine, qui est connue pour ses rôles dans des musicals tels que Mame ou Anything Goes. Donc, ce ne sont pas les rôles principaux. Ce sont des seconds rôles. Au niveau des musiques supplémentaires, on a l'ouverture prologue Welcome to the Kingdom, qui est un chant d'ensemble. Donc on a l'ouverture prologue, un petit peu comme dans le film, mais surtout Welcome to the Kingdom, qui est un nouveau morceau avec tout l'ensemble. Quand je l'ai écouté, je crois que l'ouverture est un copier-coller du... Enfin, un copier-coller. Oui, une sorte de copier-coller du film. Oui, c'est ça, c'est tout à fait logique. Pour ça, en fait, le morceau s'appelle Ouverture Prologue Welcome to the Kingdom. C'est pour ça que je l'ai mis en morceau supplémentaire. C'est que le morceau s'appelle comme ça, mais c'est vraiment la partie Welcome to the Kingdom qui est nouvelle. Nous avons The Queen's Presentation, où la Queen se présente. Will I... Mama. c'est la marade qui se présente. Will I ever see her again? Avec le prince charmant qui se dit, est-ce que je vais seulement la revoir un jour? Avec un coup de cheveux. Et enfin, le medley final avec le thème de Blanche-Neige, un chant, le chant One Song, le morceau Un chant mais une reprise, et Here's the Happy Ending, voici la fin heureuse, et enfin une reprise de Un jour mon prince viendra. Donc 4 morceaux en un, un bon gros medley, comme on en connaît bien, avec bien sûr l'ensemble qui chante. J'avais une question pour le 1 chant. Oui. Parce que j'ai la partition éditée par Léonard de Blanche-Neige. Ouais. Et en fait, dedans, il y a une piste, une partition qui s'appelle, alors c'est page 19, parce que les partitions sont très mal faites chez Léonard, bien sûr, qui s'appelle Snow White. Ah. Et c'est une musique de Churchill sur des paroles de Moret. Le copyright est de 37. Est-ce que tu as une idée de ce que fait la mélodie, pas de la chanson? Absolument plus aucune idée, parce que ça, je l'ai écouté il y a quelques temps maintenant. Ah, ça me dit bien quelque chose, ça. Donc c'est peut-être le thème de Blanche-Neige au final, celui-là. Parce que la partition n'apparaît pas du tout dans le film, mais jamais. Donc pourquoi ils auraient mis. Maintenant, c'est pour expliquer pourquoi ils auraient mis la chanson dans la partition, enfin dans le recueil, mais pas dans le film. Voilà, ainsi de suite. On a compris que Ah, fondu c'est bien enchaîné, non, possible. Fondue enchaînée. Fondue au noir. Alors, revenons sur le musical. La version donc scénique a eu une très bonne réception de la part du public. Vraiment très familiale pour tout le monde. Et il y a donc une version vidéo qui est produite par Walt Disney Television, par Radio City Music Hall Television Productions, super long quand même, et enfin HBO. Et oui, HBO de Game of Thrones a collaboré avec Disney pour Snow White and the Seven Dwarfs, la version vidéo. Vous inquiétez pas, c'est la seule collaboration qu'il y a eu entre Disney et HBO. La sorcière, je ne parle plus de la reine, mais je parle de la sorcière, est jouée par un homme. C'est là que tu peux ressortir ton Et livre si tu veux. c'est ça. Et la sorcière était donc les croquis de la sorcière ont été faits aussi. Bon, se sont aussi inspirés d'un homme qui s'appelait Paul Gutkin, qui était devenu un danseur très célèbre avec Agnès Mills et Joey Robinson qui dansaient à New York à l'époque. Agnès Dimail, oui, exactement. Agnès Dimail, qui est une grande chorégraphe du milieu du musical, exactement. Donc voilà. Et ouais, donc c'était trois personnes de Broadway. Et donc, la sorcière jouée par un homme sur la version scénique est superbement flippante. Au moment de la transformation, on entend en plus le public réagir dans la vidéo. Et vraiment, on entend les enfants avoir extrêmement peur. lorsque la sorcière donne la pomme, les réactions du public sont extraordinaires. On entend bien sûr beaucoup d'enfants, c'est quasiment trop fort par rapport aux voix des personnages, des acteurs, mais on imagine la salle, l'ambiance de la salle devait être extraordinaire. Le musical a le même problème que l'attraction à Disney, c'est que t'as l'impression que C'est c'est trop fait pour les flippant. enfants, mais en fait, c'est familial, mais en fait, pas du tout. Exactement. Fait, il aurait fallu une mort au peigne et puis la sorcière qui danse avec des phares rouges comme dans l'original. C'est ça. C'est très respectueux du film. Ça dure 1h30 et quelques. Ça dure 1h30 pile poil d'ailleurs. Donc c'est même presque plus court que le film. Peut-être que les personnes avaient peur que les enfants s'ennuient. À voir le documentaire Dare to Dream, The Rebirth of Radio City Music Hall, si vous voulez en savoir plus sur le travail justement de Robert Jenny, de tout cet aspect de Snow White and the Seven Dwarfs, la version musicale sur scène, je vous conseille vraiment de voir ce documentaire qui est très intéressant. Dans les parcs, il y a également eu des versions musicales de Blanche-Neige et les Sept Nains. Tu m'as appris des choses par rapport à Blanche-Neige, par rapport aux versions musicales dans les parcs. Bon, les deux versions Disneyland à Anaheim, je ne connaissais pas du tout, sont 87, voilà. Singing, Dancing, Hey Ho. Quand je vois un truc comme ça, j'imagine un grand karaoké géant sur Blanche-Neige, mais en fait non, je crois que c'était un vrai spectacle récapitulatif comme ils en font très bien en Californie. Ils en ont fait un deuxième, donc d'après ce que tu m'as marqué, en 2000, de 2004 à 2006, au Disneyland Anaheim Fantasyland Theater. Voilà. Et la dernière chose que tu m'as appris, c'est qu'il y a eu un spectacle sur Blanche-Neige, sur le théâtre du château, en 2009 et 2010. Et 2009 et 2010, si je ne m'abuse, c'est la saison de la nouvelle génération. La nouvelle Donc en fait, la génération. saison de la nouvelle génération qui parlait des nouveaux héros Disney, c'était principalement surtout les Pixar. Je trouve ça étrange qu'ils aient mis en fait un spectacle de Blanche-Neige sur le théâtre du château. Je suis d'accord. Il faut savoir que c'était un tout petit spectacle, hein. C'était un spectacle de 8 minutes pour le coup sur le théâtre du château. Et ensuite, dans les parcs, on retrouve Blanche-Neige un petit peu partout dans les parcs. Depuis son ouverture en Californie avec Snow White Grotto, Snow White Grotto. qui est une jolie grotte, comme son nom l'indique, J'aime avec énormément cette différentes. petite grotte. Ensuite, il y a la version Snow White Adventure, parce que c'est bien connu, une attraction à Disney, il faut absolument avoir le mot Adventure dedans, de 55 à 82, qui faisait extrêmement peur. En fait, les gens ne la comprenaient pas, parce qu'en fait, on ne voyait jamais Blanche-Neige. Le spectateur était Blanche-Neige, donc tout était vu depuis Blanche-Neige, et ça faisait extrêmement peur. Les gens étaient effrayés, surtout par la sorcière. Et d'ailleurs, ils l'ont Cette renommé un version. moment pour Snow White Scary Adventure. 271 à 2012 en Floride, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'attraction Blanche-Neige en Floride depuis 2012? Magic Kingdom, non, tu vois Seven Dwarfs Mine Train, Magic Kingdom et Shanghai Disneyland dans le 2014. En Californie, donc de 83 à 2020. Là, par contre, c'est une amélioration qu'ils ont fait. Et puis ensuite, il y a une version à Tokyo en 83 et une version en 92 en France. En France, ça s'appelle. Je crois qu'en fait, elle porte les deux noms. Sur les plans anglais, c'est Snow White Carrie Oui. Adventure. Et sur les plans français, c'est Blanche-Neige et les sept nains. Autant dans Pinocchio, qui est juste à côté, ils ont repris la chanson Hey Diddy Diddy. Et ont fait un gros thème et variation dessus durant toute l'attraction. En fait, la seule chanson-là, c'est le fil conducteur. Que dans Snow White, Scary Adventure, en fait, ils reprennent la musique des films. Donc, on commence par le yodel, ensuite, toutes les musiques. En gros, narrative entre chacune des scènes, entre toutes les chansons, sont des musiques qui sont tirées du film. Enfin, musique entre guillemets, parce qu'en fait, ils prennent plus les moments où la musique est autour du bruitage, Oui. plus dans le bruitage que dans la musique pure. Et il y a une petite référence à Blanche-Neige dans le Pavillon des Princesses depuis 2011. Et ensuite, il y a eu Seven Dwarfs Mine Train en Floride et à Shanghai. Je ne savais pas qu'il y avait à Shanghai. Je pensais qu'il était Bah, moi resté non plus. qu'en Floride, qui est une sorte d'attraction type train de la mine like, avec des wagons qui se basculent en plus, et qui a l'air très sympathique à faire sur le point de vue Dark Ride. En fait, je pense que c'est pour ça que c'était supprimé aussi en Floride, parce que sinon ça aurait fait doublon avec Seven Dwarfs. Ensuite, il y a eu Once Upon a Time Adventure à Shanghai Disneyland, qui était un walkthrough interactif autour du film Blanche-Neige et les sept nains. J'ai eu l'occasion de regarder quelques vidéos, je trouvais ça très très rigolo, un peu trop fake au niveau des écrans, mais très très rigolo. Enfin, le grand moment par rapport à Blanche-Neige, c'est la grosse réap qu'ils ont faite en Californie, Snow White Enchanted Wish. Ou l'attraction où on passe de Scary Adventure à Enchanted Wish, donc on passe d'un truc extrêmement sombre à un truc extrêmement gai, joyeux, Ouais, joyeux. mignon. Et voilà ce que je peux dire vis-à-vis des parcs par rapport à Blanche-Neige. Eh bien, voici dans tous les cas ce qui conclut au final même ce live sur Blanche-Neige et les sept nains. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce que tu aimes? Est-ce qu'on aime ou pas? Moi, j'adore. J'adore. Je suis en extase devant Blanche-Neige et les sept nains. En fait, moi, je fais abstraction du fait que Blanche-Neige est une cruche dans ce film. Elle est vendue comme une cruche parce qu'en fait, c'est pas Disney qui a voulu la vendre comme une cruche. C'est de base une cruche dans le conte. Ça. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. C'est artistiquement réussi pour l'époque. Enfin, même tout court, en fait. Je suis pas sûr qu'on Ça puisse encore faire de reste une l'animation comme ils en font excellence du maintenant. dessin, une excellence. Enfin, on regarde, c'est fluide. J'ai trouvé ça extrêmement fluide. On regarde un film, quoi. Oui. On regarde un film. Et je suis pas sûr que voilà, les animateurs de maintenant sachent faire ça. Au niveau de la 2D. Au niveau de la musique, c'est tellement génial aussi. Les références à la musique savante, les références à la musique populaire. Enfin, il y a du Debussy dedans, quoi. Waouh! Debussy. Et je pense sincèrement que j'ai un gros coup de cœur. Je suis même amoureux de la reine. Moi, je ne suis pas autant en extase que toi sur ce film. Je le trouve extrêmement bien fait, extrêmement beau. Les musiques sont vraiment très belles. Je ne l'aime pas plus que ça. Je l'aime bien. Je reconnais sa valeur, je reconnais sa beauté, je reconnais sa musicalité. Mais pour moi, je ne suis pas en extase devant ce film, malheureusement. Mais je C'était le reconnais. dernier live de la Disney Music Box. C'est fini. On débranche tout. Vivement qu'on parle de Pocahontas, hein. Moi j'ai bien aimé. Ah, moi aussi, ben, ça sera parfait. Non, voilà, enfin, Blanche-Neige, je trouve ça quand même excellent. Je peux pas dire mieux. Ok, ça marche. Eh bien écoute, je Et donc voilà. pense que c'est comme ça que va se conclure justement ce quatrième live de la Disney's Qui a. Music Box. On espère vraiment que ça vous a plu dans le chat, que ça vous plaira en replay. Vous retrouverez tous les livres que j'ai trouvés qui sont vraiment super intéressants. Entretien avec un empire de Jérémy Doyer, l'art musical de Walt Disney. Je mettrai tout dans le lien dans la bio. Et puis voilà, de mon Nous vous côté. souhaitons une excellente soirée avec le petit morceau que nous allons mettre. Et à très bientôt. Je n'ai pas Ah. encore entendu. Oui, tu ne l'as pas encore entendu et tu n'entendras pas tout de suite vu que là, c'est seulement eux qui l'entendront. À la prochaine, au revoir. Le lion de nos cœurs.